Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Grâce à Franck Ferrand, chaque jour sur Europe 1, nous apprenons à mettre des visages et des histoires derrière des noms. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Aujourd'hui, le nom est très connu, le visage nettement moins, l'histoire presque pas. Nous allons parler d'un des hommes les plus marquants de l'histoire de France pourtant. Peut-être le personnage le plus important du règne de Louis XIV, Vauban lui-même. Et pour nous parler de tout son chapelet de fortifications, j'ai demandé à Alain Monferrand de nous rejoindre. Il est président de l'association Vauban. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Agnès, qui voudrait connaître l'origine et les règles de transmission des titres de noblesse. Alors ça, c'est un retour aux origines qui pourrait durer 3 heures, hein, mais j'essaierai de le faire tenir en 3 minutes. Après tout, nous aurons bien fait rentrer la vie fabuleuse de Monsieur de Vauban en moins d'une heure. Europe 1, au cœur de l'histoire. Ferrand. De Vauban, Saint-Simon, qui n'est quand même pas connu pour ses flatteries, c'est le moins qu'on puisse dire, disait « Jamais homme plus doux, plus compatissant, plus avare ménager de la vie des hommes, avec une valeur qui prenait tout sur soi et donnait tout aux autres. » Quel beau jugement. On peut dire qu'après un compliment comme celui-là, il est impossible d'en rester à la seule image du grand stratège, preneur de cité, défenseur hors pair, architecte de 300 places fortes, dont plus de 30 créées intégralement par lui. À l'évidence, il existe une autre facette de celui qu'on a appelé le bonhomme Vauban, un peu comme on dit le bonhomme Le Nôtre ou le bonhomme La Fontaine. Vous savez, c'est le siècle des bons hommes, le 17e. Cet autre visage, c'est celui d'un humaniste, attentif à toutes les conditions, d'un observateur juste, prévoyant, et qui va se révéler être le véritable fondateur en France de l'économie politique. C'est un aspect sur lequel nous reviendrons tout à l'heure et qui n'est, à mon avis, pas suffisamment développé. On présente toujours Vauban comme le grand architecte militaire, l'homme de la prise, enfin plutôt des cités imprenables, mais on oublie qu'il a d'abord peut-être été un économiste et qu'il a été le promoteur de ce qui pouvait passer à l'époque pour une toute nouvelle discipline. Toute la carrière militaire de cet homme sorti du rang pour devenir en fin de compte maréchal de France, tout son parcours de soldat auront été guidés par une obsession, je crois que le mot n'est pas trop fort, celle d'épargner des vies et d'améliorer le quotidien des combattants. Vauban a été blessé lui-même à plusieurs reprises, il a été longtemps dans sa jeunesse le témoin impuissant de sièges qui étaient extrêmement sanglants, eh bien il n'aura de cesse par la suite d'inventer les moyens de rendre les assauts moins meurtriers, tant pour les assaillants que pour les défenseurs d'ailleurs, parce qu'il ne faudrait pas croire que seuls ceux qui allaient à l'assaut des villes mettaient leur vie en danger, loin de là. Si vous rouvrez vos livres d'histoire, ils vont vous dire que Vauban a été commissaire général des fortifications à partir de 1678. C'est vrai, mais ce n'est qu'un titre. Un titre qui recouvre en vérité de très longs, d'interminables déplacements à travers le royaume, ce qui est en même temps pour lui une occasion idéale d'observer les provinces traversées, de rencontrer les sujets souffrants du roi de France. Ainsi Vauban va-t-il prendre conscience des conditions de vie de ses contemporains ? Il faut l'imaginer assis dans sa basterne, vous savez, c'était cette espèce de bureau volant, si je puis dire, hein, qui était une sorte de litière portée par des mulets dans laquelle il s'était fait installer tout un bureau. Et comme ça, installé, il meublait ses heures de voyage à rédiger les fameuses oisiveté, recueil d'observations et de réflexions dans lequel on trouve de la démographie, de la géographie humaine, de la prospective, enfin bref, tout ce qui fait les délices de nos étudiants très contemporains. Il ne faut pas oublier, ça je vais vous le raconter, que ce bonhomme est né pauvre, qu'il a été élevé à la dure et qu'il a eu par la suite d'innombrables occasions de méditer sur l'injustice du système fiscal de l'ancienne France. Peu de temps avant de mourir, vous savez qu'il est mort, on avait d'ailleurs célébré le tricentenaire de sa mort à ce même micro et avec Alain Monferrand. À l'époque, il est mort le 30 mars 1707, et bien peu avant, le grand homme a publié, avec une une audace qui aujourd'hui encore laisse pantois, son projet d'une dîme royale qui préconisait non seulement la progressivité de l'impôt, c'était incroyable à l'époque, mais l'égalité de tous les sujets sans exception devant la contribution, qui devait être considérée en quelque sorte comme un engagement civique. C'était des notions tout à fait nouvelles, évidemment. Comment s'étonner après cela que Vauban se soit fait d'innombrables ennemis et qu'il ait créé les conditions de cette relative disgrâce qu'il aura connue à la fin de sa vie. Celui que Voltaire appellera le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens n'en aura pas moins été seul à s'élever par exemple contre les conséquences de la révocation de l'édit de Nantes, contre la généralisation des dragonnades, c'est-à-dire les persécutions qui visaient les protestants, etc. Il y a quand même un mot qui s'impose lorsqu'on parle de tout ça, lorsqu'on évoque cette personnalité et cette œuvre de Vauban, c'est celle de modernité. Il est d'une modernité très en avance sur son temps. Donc, le monsieur que nous allons ressusciter maintenant avait certes un rude caractère, mais ne perdait jamais de vue qu'au fond, il y a la tendresse du cœur et la noblesse de l'âme. Sébastien, le prêtre de Vauban, c'est son vrai nom, appartenait à cette petite noblesse de province qui, vous savez, ne faisait pas grand bruit. Rien à voir avec les grands seigneurs de la cour, bien entendu. Mais une petite noblesse qui défendait une certaine droiture, une certaine tenue dans la vie et dans bien des domaines. Il s'agit en l'occurrence d'une noblesse récente, puisque c'est l'aïeul de Sébastien qui était notaire dans un bourg du Morvan et qui a pu acheter un fief donnant des lettres de noblesse. C'est presque ça un préambule à notre retour aux origines de la fin de l'émission, finalement, sur l'origine alors là, de ce genre de lettres de noblesse. En fait, il avait acheté des terres et avec ces terres allaient des lettres de noblesse. Donc, la possession de cette terre anoblissait. On était là en 1555, c'est-à-dire moins de 80 ans avant la naissance de Sébastien, puisque lui naît au printemps 1633. Le père de Sébastien, il s'appelle Urbain de Vauban, a épousé une certaine Edmée Corvignol. On est vraiment dans le terroir, j'allais dire, on y est jusqu'au cou. C'est elle, cette bonne Edmée, qui apporte en dot une demeure paysanne à Saint-Léger de Foucheray. On appelle ça aujourd'hui Saint-Léger-Vauban. La commune a été rebaptisée, bien entendu. Eh bien, cette demeure rurale, c'est la maison natale du grand homme. Donc, et j'insiste, nous commençons cette histoire dans un milieu pauvre. Rien de si court, de si nouveau, de si plat, de si mince que ses origines familiales, dira Saint-Simon. Quelle façon vacharde de faire des compliments au demeurant. Comme presque toujours à l'époque, c'est le curé de la paroisse, le curé de Saint-Léger, qui va instruire l'enfant, qui va lui apprendre à lire, à écrire, à compter. Et il le trouve très doué, évidemment. Il est très tôt marqué par l'intelligence lumineuse de cet enfant. Il va pousser pour qu'on l'envoie faire de vraies études au collège des Carmes de Semur en Auxois, où le moins qu'on puisse dire est que Vauban manifeste tôt une véritable prédilection pour les mathématiques. Déjà, pour ce qu'étaient les mathématiques de l'époque. Déjà, il lit avec passion un traité des fortifications. On peut dire qu'on est en présence d'une passion dévorante et précoce. Pourquoi est-ce que Vauban s'est comme ça porté vers les fortifications? Ben, je pense que le mieux placé pour nous répondre, ce sera Alain Monferrand. Nous lui poserons la question tout à l'heure. Le fait est que l'exceptionnelle intelligence de Sébastien va le faire remarquer à mesure qu'il grandit, bien entendu. C'est les grands stratèges de l'époque ont besoin de jeunes cerveaux brillants. C'est le cas du plus grand de tous ces stratèges, qui se trouve être le gouverneur de la Bourgogne, le prince de Condé en personne, le cousin du jeune roi Louis XIV, le terrible Frondeur, le grand Condé. Eh bien, quand Sébastien a 18 ans, en 1651, Condé l'emmène à sa suite jusque dans les Flandres. Il travaillera notamment, le jeune homme, au rempart de Clermont en Argonne, et il participe au siège de Sainte-Ménéhou. Il se comporte en héros, là, on peut dire, à 20 ans. Il n'a peur de rien. On le voit, par exemple, traverser une rivière à la nage sous la mitraille et contribuer, grâce à son courage et on peut dire à son côté un peu tête brûlée, à faire tomber la place. Tant et si bien qu'en 1655, il est nommé ingénieur ordinaire du roi. C'est déjà un beau titre. Et c'est sous ce beau titre, si je puis dire, qu'il va quand même être blessé à 3 reprises. Comme on dit dans les armées, il s'illustre. En 1663, Dans son Morvan natal, il épouse une demoiselle de vieille noblesse, Jeanne Daunet, avec qui il vivra d'ailleurs très peu. Vous imaginez que Vauban est constamment par Mons et par Vaux. Bientôt, l'ingénieur militaire va non seulement participer à la guerre de dévolution, mais en devenir un des éléments importants. C'est la première campagne des Flandres. Il est blessé là devant Douai. Il est à l'origine de tant de victoires que le jeune Louis XIV, qui maintenant a pris le pouvoir personnellement et qui a eu tout le loisir de le remarquer, et ses ministres autant que lui, hein, Colbert, Louvois, etc., Louis XIV, le gouvernement, tout le monde non seulement connaît Vauban, mais le respecte de plus en plus. Sébastien n'a que 34 ans, mais aucun doute n'est plus permis, il est l'homme de la situation, c'est lui qui construira la frontière. Jean-Baptiste Lully sur Europe 1, un extrait de la Marche de Savoie. Nous revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur la vie, l'œuvre de Vauban. Alors, Vauban s'attaque évidemment à tous les terrains. On va voir à quel point il s'y adapte surtout. Là, on le retrouve à Dunkerque. « Ce n'est que du sable et de l'eau », écrit Daniel Alévy. « Pour défendre la terre, Sébastien emploiera la mer. Il captera ses eaux et les étendra au long des glacis. Il faut quand même tenir compte de l'ensablement. Pour le combattre, Sébastien recueille et canalise les eaux terrestres. En les lâchant soudain, il utilise leur force pour dégager les passes. » Il y a un côté génial. Vous savez, ce qu'il y a de fascinant lorsqu'on étudie le grand siècle, c'est de voir à quel degré de perfection, d'imagination, les ingénieurs, qu'il s'agisse des architectes, qu'il s'agisse même des ingénieurs pour les premières manufactures, etc., avaient porté la technique. C'était tout à fait extraordinaire. C'était des gens qui aimaient la solution non seulement efficace, et ça c'est notre époque, mais la solution élégante. Eh bien, on peut dire que Vauban est véritablement l'homme de la solution élégante. Ce qu'il met en œuvre représente néanmoins un travail pharaonique. Il faut considérer d'emblée ce travail comme le plus grand œuvre de fortification du monde, tout simplement. Lille, Tournai, Pignerol, Antibes, Toulon, Perpignan, Collioure, Douai, Arras, Bapaume, Béthune. C'est extraordinaire, tous ces chantiers lancés par Vauban, qui fait surveiller les chantiers par des gardes à cheval pour éviter les désertions. Il y a quand même en plus un sens de l'organisation, du contrôle, enfin tout ça est très poussé. Dans l'éloge qu'il prononcera devant l'Académie des sciences, Fontenelle dira « Monsieur de Vauban a fait voir par sa pratique qu'il n'avait point de manière. Chaque place différente lui en fournissait une nouvelle, selon les différentes circonstances de sa grandeur, de sa situation, de son terrain. » Ça c'est assez étonnant, cette adaptabilité du personnage. Pour boucher la trouée de la Sarre, il crée de toutes pièces Sarre-Louis. À Metz, il ressuscite l'ancien oppidum gaulois et organise un système d'écluses pour inonder les contrebas. À Neubrisac, il imagine un ensemble de tours bastionnées qu'il ne reproduira d'ailleurs nulle part, même si l'ensemble est tout simplement génial. Vauban ne se répète jamais. Quand il est en montagne, que ce soit dans les Pyrénées, dans le Dauphiné, le relief l'amène à réviser ses principes de fond en comble. Dans des rades comme Brest ou Toulon, c'est encore différent. On avait vu tout ça au moment de l'exposition extraordinaire sous la verrière du Grand Palais de ces merveilleux plans reliefs dont certains ne sont pas toujours exposés. Vous savez, là, nous avions notamment des plans en relief, des plans de rades, quand je dis en relief, avec des montagnes, des plans de rades, etc. C'était tout à fait extraordinaire. Au total, donc, ce sont quand même quelques 100 villes ou bourgs, quelques 100 points stratégiques qui sont ainsi fortifiés ou refortifiés. Le grand œuvre de Vauban, le voilà, construire la frontière à coups de places fortes, de plaines inondables, de canaux, de plateformes de batteries, etc. Cette cuirasse de pierre, d'eau, de terre, de feu croisé qui a dessiné la France, qui la dessine encore, dit l'un de ses biographes. Même si Vauban est loin d'avoir été le seul à œuvrer à cet extraordinaire travail, il faut quand même ça aussi le dire, il en aura été, mieux que le principal artisan, il en aura été le moteur. La frontière de 1668, nous dit Pierre Gaxotte, était biscornue, enchevêtrée, absurde. En 1673, Vauban écrit d'ailleurs à Louvois, « Sérieusement, monseigneur, le roi devrait un peu songer à faire son précaré. Cette confusion de places amies et ennemies, pêle-mêlées, les unes parmi les autres, ne me plaît point. Vous êtes obligé d'en entretenir trois pour une. Si vous m'en croyez, monseigneur, prêchez toujours la quadrature non pas du cercle mais du pré. C'est une belle et bonne chose que de pouvoir tenir son fait des deux mains. » On comprend bien l'idée de Vauban, c'est simplifier la frontière pour rendre les fortifications plus efficaces. Et Gaxotte d'ajouter, on peut se demander si, en une certaine mesure, la politique des réunions n'a pas été inspirée par les objurgations de Vauban. Ça, c'est ce qui s'appelle inverser la logique, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que Vauban ne serait plus seulement là pour consolider l'œuvre militaire du roi et de ses armées, ce sont les armées de Louis XIV qui seraient là pour faciliter la tâche d'un monsieur de Vauban qui a décidé de faire le précaré. C'est là que l'ambition de Sébastien, on peut dire, nous donne le tournis, ses idées tactiques. Je pense par exemple à la défense en profondeur, on va y revenir évidemment tout à l'heure avec Alain Monferrand qui va nous expliquer ce que ça veut dire tout ça. Tout ça, ces conceptions mises en œuvre à l'échelle de chaque place, de chaque ouvrage, voilà qu'il les transpose sur le plan stratégique, à l'échelle d'une frontière complète, même de tout un royaume. C'est la France entière qui devient en quelque sorte une fortification de Vauban. Sébastien est un homme de son temps pour qui les grands desseins ne dispensent pas des plus légers détails, ni les visées très élevées des sentiments humains. C'est en ça, je pense, qu'il est essentiellement un homme de son siècle. C'est un homme du siècle de Louis XIV en ce qu'il aime faire à la fois grand et beau, et que cette grandeur et cette beauté s'allient constamment à une forme d'humanité. La grandeur parle d'elle-même. Pour ce qui est de la beauté, elle fait à ses yeux partie des armes, ou plus exactement des arguments stratégiques destinés à impressionner l'ennemi, à lui inspirer du respect, voire de la crainte. Prenez l'exemple des travaux de Strasbourg, par exemple. Vauban avait décidé de faire une grande entrée très monumentale, très brillante, et Louvois traîne un peu des pieds pour des raisons budgétaires. Vous savez, ça n'a pas changé, ça. Sur les ébauches qu'on montre au ministre, les portes de la citadelle lui paraissent surornées, surdécorées. Pourquoi tous ces ornements qui n'apportent rien finalement à l'art militaire ? On défendra pas mieux la place sous prétexte qu'il y aura plus de sculptures au fronton de la porte. Que Vauban fasse avec 12 000 écus, il n'aura pas un denier de plus, dit Louvois. Et là, Vauban suffoque. Ses ministres, décidément, à Versailles, ne comprennent rien. Strasbourg, c'est la porte de l'Allemagne. C'est l'endroit où il importe le plus de se montrer magnifique afin d'en imposer au prince frontalier. Et puis, ajoute l'ingénieur, puisque mon ouvrage est bon, pourquoi m'en refuser le couronnement ? Dois-je ajouter qu'il aura gain de cause, monsieur de Vauban ? Évidemment, lorsque les arguments sont bons et lorsqu'ils emportent l'évidence, ils emportent aussi, par la même occasion, l'adhésion du gouvernement. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SEDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Vauban. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'œuvre de Vauban. Alors, ce Vauban est incroyable. Plus de 50 sièges dans cette carrière, aucun échec constatable. Ville investie par Vauban, ville prise, disait-on, mais on pouvait dire aussi ville défendue par Vauban, ville imprenable, bien entendu. Alors, les innovations vont aller bon train. J'y reviendrai tout à l'heure. Moi, je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions, mais il faut savoir quand même que, à mesure que Vauban devient de plus en plus en plus expert, il invente des choses. Par exemple, au siège de Maastricht en 1673, il va inventer les fameuses parallèles qui protègent les boyaux de tranchées des offensives des assiégés. Parce qu'avant, c'était, vous saviez, vous aviez ces tranchées qui arrivaient comme ça, face à la citadelle, en quelque sorte, et c'était assez facile d'attraper les assiégeants en perspective. Alors qu'à partir du moment où l'on installe des tranchées parallèles et qu'on avance en encerclant, en quelque sorte par cercle concentrique, là ça devient plus compliqué. À Luxembourg, en 1684, il invente les cavaliers de tranchées, c'est-à-dire des espèces de tours en sac. À Philippsbourg, en 1889, c'est le tir à ricochet, grâce à des projectiles lancés à charge réduite, c'est-à-dire en fait des boulets creux, des boulets évidés qui rebondissent, et donc ça permet de faire des systèmes de ricochet, etc. D'ailleurs, ça plaît tellement ça à l'état-major que Sébastien est nommé sur le champ lieutenant général. Il veille à tout personnellement, il est constamment en première ligne. Ça, il faut toujours le signaler. D'ailleurs, ça énerve beaucoup les ministres. Louvois écrit sur une de ses correspondances « Le sieur Vauban doit être empêché de s'exposer inutilement. » Vous voyez, on est obligé de le réfréner, en quelque sorte. Devant hâte, il a à ce moment-là 64 ans. Il est blessé, une fois de plus. « J'eus grand soin de me faire voir dès le lendemain à la tranchée avec un visage gai et éveillé, écrit-il. Et je m'aperçus avec plaisir que tout le monde en eut de la joie. » Et oui, ça fait partie du secret des très grands stratèges, c'est que leur simple présence au milieu des hommes de troupe galvanise la troupe, tout simplement. Et quand on sait que Vauban est là et qu'il est en forme, et bien d'un seul coup, tout va mieux. Il sera nommé en 1703 maréchal de France. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur ses origines. Voyez d'où il sort. C'est un titre d'un prestige phénoménal, hein, maréchal de France. Ça veut dire que le roi l'appelle mon cousin, par exemple. Vous imaginez, c'est tout à fait extraordinaire. Et là-dessus, on met le siège devant Kehl. Et Sébastien de Vauban réclame l'honneur d'aller charger. Alors Louis XIV intervient quand même. Il lui dit « Mais songez-vous bien, monsieur le maréchal, que cet emploi est fort au-dessous de votre dignité ?» Et Vauban répond « Sire, il s'agit ici de vous servir. Plus vous nous élevez, plus nous devons en avoir envie. Je laisserai le bâton de maréchal à la porte et j'aiderai à prendre la place. » Pas question, parce qu'il est devenu un très grand personnage, de laisser sa place sur le terrain. Il veut être là, au milieu des siens, au contact de ceux qui investissent. Donc, un grand personnage, désormais maréchal de France, mais, et ne l'oublions pas, qui ne perd jamais un instant le contact avec les réalités, même les plus sombres et les plus modestes. Cette vie errante de Sébastien de Vauban, qui est obligé constamment de circuler d'une place à l'autre, lui a donné très souvent l'occasion de voir de près les réalités du terrain. Alors il fait des rapports directs au roi, parfois sur certains sujets, sur le canal du Languedoc, sur le commerce, sur la monnaie, sur l'utilisation des chevaux dans les provinces ou dans les relais, sur les colonies, les gabelles, les impôts indirects, sur les billets de commerce, sur les poids et mesures, les levées d'impôts, etc. Tout ce qu'il constate et qui lui paraît n'être pas légitime ou présenter des éléments d'inefficacité fait l'objet chez lui de notes. Il appelait ça donc ses oisivetés. Elles sont abondantes, ces notes, et précises et utiles, et parfois un peu irritantes, évidemment, pour ceux dont elles contrecarrent un certain nombre d'intérêts. Sébastien s'étonnait souvent de l'apparente passivité du grand roi à ses demandes de réforme. Il ignorait à peu près tout, lui, de tous les impératifs de ce qu'on appelle la grande politique. Vous savez, c'est une chose de constater qu'il y a des choses qui ne vont pas sur le terrain, et puis c'en est une autre d'harmoniser un gigantesque orchestre à l'échelle d'un royaume et de tenir compte des intérêts particuliers, de la cour, etc. Ce que devait faire Louis XIV, lui, bien entendu. Un jour, au cours d'une séance de travail avec le roi, Sébastien de Vauban recommande chaudement un habitant très méritant de Saint-Malo, et il réclame pour lui des titres de noblesse. « Ça, non !» répond le roi. « Je ne puis. La noblesse est le prix du sang. » Et là, on voit Vauban pâlir, se mordre les lèvres. Il ramasse ses papiers et il sort sans dire un mot, alors qu'il était en train de travailler avec le roi. Et pendant deux jours, Louis XIV va faire semblant de ne pas le voir, ni au lever, ni au coucher. Et puis le troisième jour, il l'attire à l'écart dans la galerie et lui dit « Vauban, je ne suis pas fâché contre vous. Allez, je vous accorde la noblesse de votre ami. » Bonjour Alain Monferrand, merci d'être venu nous parler non seulement de Vauban mais de toutes ces fortifications. Et quand je vois les messages qui n'arrêtent pas de s'accumuler sur notre site, je me dis que vous allez avoir fort à faire. Nous sommes au cœur de l'histoire des fortifications de Vauban cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Alain Monferrand, président de l'association Vauban. Et nous sommes attendus au tournant, croyez-moi. Florence nous parle de Brouage, Maude, Pedro, Thibault, Isabelle, Boris nous parle de Besançon, Clément de Lille, Nicolas d'Arras, Fabrice de Luxembourg, Frédéric de Belle-Île, Hélène de Rocroi. Rocroi, jolie petite étoile, garde-frontière, nous dit Hélène, mais qui vieillit mal. Ça, c'est aussi l'un des problèmes, il faut le dire, Alain Monferrand. S'il faut entretenir cet incroyable patrimoine militaire. Tout à fait. C'est un patrimoine difficile à entretenir parce que, à la différence d'un édifice comme un château de la Loire, par exemple, il s'agit ici de milliers de mètres carrés de toiture, de centaines de mètres, voire de milliers de mètres d'enceinte qui s'écroule, parce que je dirais que de ce point de vue-là, le végétal est le pire ennemi de la pierre. Saint-Signan, les lierres, etc. font que tout s'écroule. Et si on veut refaire à l'identique, en calpinant les moellons, on en fera 100 mètres par an, alors qu'il faudrait parfois en faire des kilomètres. C'est pour ça que l'association est née il y a 33 ans. Bien sûr. Et alors, cette association a parmi ses faits d'armes les plus extraordinaires, celui d'avoir réussi à faire inscrire tout un chapelet de fortifications de Vauban sur la liste du patrimoine mondial, la liste de l'UNESCO. Ça a été un dur combat qui a été gagné d'abord par les élus qui se sont fédérés, et notamment Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon, qui a réussi à en quelque sorte regrouper une quinzaine de maires pour partir à l'assaut de cette reconnaissance. On y pensait depuis 2000, et je me souviens avoir écrit au ministre de l'époque, vous pouvez faire deux choses pour le tricentenaire, une qui coûte rien, nous aider à avoir cette reconnaissance internationale. Et une qui coûte quelque chose, c'est terminer les plans reliefs. Nous avons réussi la première, nous ne désespérons pas, mais nous attendons la seconde. Oui, la seconde tarde à venir. De cette fameuse collection qui a fait quand même 140 000 visiteurs fabuleuse. En 4 semaines. Bah oui, c'est une parenthèse, mais c'est quand même la chance absolument inouïe d'avoir un aperçu global et très détaillé, très précis, de paysages entiers de l'ancienne France qui réapparaissent sous nos yeux comme si on était en hélicoptère. C'est tout à fait extraordinaire, ces plans reliefs. Dessinés à l'arbre près, à l'arbre moulin. Après. Ouais, c'est incroyable. Alors, 23 places fortes ont été classées. Il y en a beaucoup plus en tout, non ? Non, 12. Ah bon. Et d'ailleurs, Belle-Île, puisque un de vos éditeurs réclame, Belle-Île était dedans et a été malheureusement éjecté in fine. On la représentera, je pense, parce que c'est injuste. Mais 13 ensemble ont été classés. On les avait tous notés sur 160. Les élus qui ont fait cela, l'association du réseau des sites majeur de Vauban avait fait un classement de 0 à 10 et on n'a pris que ceux qui avaient 10 sur 10. Ah, d'accord, oui, par exemple, Besançon est intact. Pratiquement rien n'a changé. C'est extraordinaire. Et ça n'existe pas beaucoup en Europe. Alors, Besançon, c'est le type même d'une place de montagne. Donc, il faut tenir compte là d'un relief qui pose des problèmes extraordinaires. On dira, même si c'est schématique, que Vauban y inventa son deuxième système. Pourquoi ? Parce que là, il a à la fois une grande descente vers la ville, mais la ville, elle est entourée par le Doubs. Par conséquent, il y a une discontinuité dans le système de fortification. Et c'est là qu'il va inventer ces fameuses tours à canon qui permettent, pour l'enceinte urbaine proprement dit, frapper latéralement des agresseurs avec beaucoup plus d'efficacité qu'en leur tirant de face. Il faut savoir qu'à cette époque, recharger un canon met du temps. Par conséquent, on a beaucoup plus de chances d'anéantir un agresseur en tirant de côté, où on peut coucher une vingtaine d'assiaillant, que de face, ou au mieux, on en touchera un ou deux. Et ces tours, il va les répéter à Belfort, et il va maximiser le système dans ce qu'on appellera son troisième système, mais qui n'a qu'un seul exemple, qui est Neubrisac, ville entièrement nouvelle, mais travail pratiquement pharaonique. Il va faire construire un canal de 80 km pour amener le grès des Vosges. Il y a 30 000 hommes qui vont y travailler. Ça va sortir en 3 ans. Ce sont des remuements de terre, comme il disait lui-même, absolument considérables. Et c'est un chef-d'œuvre qui fait partie des 12. Alors, disons 160 places fortes, une quarantaine créé ou quasiment créé, Besançon en est une, et 9 villes nouvelles dont certaines ont disparu, mais par exemple Mont-Dauphin ou Mont-Louis, Mont-Royal en Allemagne, mais elle est maintenant elle a disparu. En général, quand on met Mont-Dauphin, Mont-Louis, c'est une création. Ce sont réellement des villes nouvelles, Neuvrisac bien sûr, oui, Longwy également. Les noms même indiquent qu'il s'agit de création, voilà. Alors, évidemment. Ce qui est assez phénoménal, c'est cette capacité de s'adapter chez Vauban. On a toujours une image un peu simpliste, voire rébarbative d'ailleurs, qui est héritée de l'école, où on se dit, bon, on voit ce que c'est, Vauban fait partout la même chose. Pas du tout, il s'adapte à chaque fois, c'est toujours différent. Il refusera toujours d'écrire le moindre traité. Ça, de fortifications, voilà. Et d'abord parce que avant lui, Pagan, Deville l'ont largement fait, Erard de Bar-le-Duc aussi, ce sont ses livres de chevet. Mais il va dire, et quoi ? Je vais pas, à mon âge, expliquer ce qu'est la différence entre un bastion et une demi-lune, ou qu'une courtine est entre deux bastions, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ça n'a pas d'intérêt, car pour Vauban, le terrain commande. C'est les montagnes qui dominent la future fortification. Cas de Besançon, cas de Briançon aussi. C'est les courants dominants, les marées, la profondeur des fonds pour une fortification littorale qui lui dicte, littéralement qui lui dicte, le tracé de sa fortification. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ces fortifications de Vauban appartiennent au vaste ensemble de ce qu'on appelle les fortifications bastionnées. Il n'est pas l'inventeur de ça, puisque ça avait été inventé bien avant lui, mais on peut dire que c'est une révolution de la technique militaire qui a amené ces nouvelles fortifications. Autrefois, quand on voulait défendre une ville ou un château, on construisait une muraille, tout simplement. Et puis on a inventé le canon avec les boulets, les murailles, elles ne devenaient insuffisantes, en fait. Exactement. On peut dire que le nombre d'or de la fortification, au sens des Grecs, c'est la portée du canon. Il y aura deux modifications majeures. Celle qui va engendrer la fortification bastionnée, c'est-à-dire le boulet sphérique métallique qui casse tout à 100 mètres et qui est utile en portée utile à 600 mètres. Et 100 mètres pour casser, 600 mètres pour incommoder, comme on dit dans le beau langage du XVIIe siècle, l'adversaire, eh bien c'est ça qui va déterminer tout, à la fois pour l'attaque et à la fois pour la défense. La deuxième révolution de l'artillerie, celle de l'artillerie rayée, qui interviendra vers 1860, va mettre fin à tous ces dehors de Vauban, car ils ne serviront plus à rien, puisque d'un seul coup, l'artillerie va porter à 6 kilomètres. Donc on n'aura plus besoin de faire ces demi-lunes, ces contre-gardes, qui n'ont qu'un seul but, retarder le moment où le premier canon de l'assaillant s'approche de la dernière muraille du défenseur. Voilà, c'est pas très compliqué. Répétez-nous cette phrase, c'est le résumé finalement de tout l'art de Vauban. Absolument. Retarder le moment où le premier canon de l'assaillant approchera de la dernière muraille du défenseur. Plus c'est long, plus il y en a, d'où c'est tracé, plus la place est longue à prendre. Et ce qui est une place ne sert pas à gagner la guerre, elle sert à économiser des hommes et à gagner du temps. Avec 4000 hommes dans une place, vous en mobilisez 50 000 autour. C'est ça l'enseignement de Vauban. Quels sont vos préférés, vous, des fortifications de Vauban ? Il y en a qui ont un... C'est un coupe-gorge et un crève-cœur, cette question. Coupe-gorge, parce que personne ne va me pardonner de ne pas citer sa citadelle préférée. Mais bon, en plus... Là, je vais vous faire des amis, je suis... Mais bon, c'est très différent, naturellement, selon les milieux. Bon, j'aime les grands classiques, c'est-à-dire la première, son premier chef-d'œuvre de compagnonnage, c'est Lille, la reine des citadelles, parce qu'elle est absolument parfaite. J'aime bien sûr la dernière, 30 ans après, Neuvrisac, c'est 199, mais des citadelles, justement, comme Belle-Île, qui sont des défenses de tête de ria, des citadelles comme Arras aussi sont très intéressantes. Tout ce qu'on a pu faire en montagne avec Briançon, Mont-Louis, Mont-Dauphin, c'est absolument magnifique, mais aussi les citadelles du Nord, une citadelle qui est entourée d'eau, comme le Quesnoy, car il ne faut pas oublier qu'on ne se dépendait pas que sur la terre ferme. Il y en a même qui sont des îlots carrément, en fait. Absolument. Ça, c'est magnifique. On se défendait par l'eau. Vauban, on le verra aussi dans le canal de Maintenon, etc., l'aqueduc de Maintenon, est un grand hydraulicien. Personne ne sait qu'il a construit 50 ponts canaux pour sauver le canal du Midi. Seulement il remue les terres, mais il sait utiliser l'eau. Hein. Oui, voilà. Il a des systèmes d'écluses, on l'avait bien vu d'ailleurs dans cette magnifique exposition au Grand Palais, qui fait que quand on lève ces écluses, l'ennemi se retrouve à voir attaquer dans 50 cm d'eau, ce qui est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Oui. On en oubliera forcément, puisque vous nous avez dit qu'il y en a quand même une quarantaine qui sont de sa main. Oui, hein, donc, vous oubliez Maubeuge, nous dit Maurice, par exemple. Enfin, mais bon. Il a raison d'en parler, parce que Maubeuge, que Vauban, sur lequel il ne tarissait pas d'éloges sur sa propre fortification, Maubeuge est touché par des projets. Ce qui menace aussi les forteresses et citadelles, c'est bien sûr l'érosion des pierres, c'est parfois quelques projets qui peuvent amener à les défigurer. Ça, c'est un problème aussi. Alors, Vauban bâtisseur, tout le monde le sait. Vauban défenseur, on le conçoit. Ce qu'on oublie le plus souvent, et c'est bien dommage, c'est Vauban assaillant. Car oui, il était quand même le maître des attaques de place. Hein. C'est ce qui a fait sa réputation. Je voudrais dire deux choses. Vauban, c'est presque une marque. Vous savez, c'est le discernel débat entre frigidaire et réfrigérateur. C'est ça, voilà. Bon, tout le monde dit c'est du Vauban dès qu'on voit une échauguette. Oui, voilà, avec même s'il n'a rien fait. Une guérite avec un rempart. Non, ça peut être 100 ans avant lui. Hein, car cette fortification bastionnée est née vers 1450 en Italie d'ailleurs. Il ne l'a pas inventé, mais il a apporté un degré de perfection extraordinaire. Alors après, ce qui est difficile, c'est de bien voir quel est le rôle de Vauban. Eh bien, Vauban nous laisse finalement ce qui est le plus grand conservatoire au monde de fortifications. 160. Aucun autre pays au monde n'en a autant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à juste titre, l'UNESCO a retenu cette spécificité française. Mais il y a trois Vauban en un. Il y a celui que tout le monde connaît par la trace extérieure de ses fortifications, qui sont très belles encore. Il y a celui que personne ne connaît, qui est le preneur de place. On sait bien qu'il prenait des places, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la manière dont il les prenait par rapport, je dirais, à ses contemporains. Et il s'est opposé à des contemporains, Van Coorn, le Hollandais. Il les prenait en perdant 4 fois moins de monde que le défenseur, ce qui ne s'était jamais vu. Et il les prenait rarement en plus de 3 semaines. Or, Louis XIV, qui avait plein de maréchaux, aurait remplacé Vauban. Par contre, quelqu'un qui lui prenait une place en 3 semaines, il n'en avait pas. Il n'en avait pas. Alors comment faisait-il pour les prendre, ces places, en 3 semaines? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Erda Vauban. Erda Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban. Merde à Vauban. Bagnard, ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Léo Ferré sur Europe 1, un extrait de Merde à Vauban. Nous parlons des fortifications alors, de Vauban cet après-midi dans Cœur de l'Histoire. Cette chanson n'a évidemment rien, vous le devinez, pour m'inciter d'emblée à l'euphorie. Ça vous plaît pas cette chanson? Mais vous avez compris. C'était une prison. Oui, voilà, c'est ça. C'était un clin d'œil à la transformation d'un certain nombre de forteresses en bagne. Hein, c'est le cas évidemment de Saint-Martin-de-Ré en l'occurrence. C'est là qu'on part en plus pour la Guyane. Ah, donc, oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment. Il faut le voir dans ce sens-là. Ça a donné à certaines forteresses, ça a donné aussi à des abbayes, par exemple, une triste image au 19e exactement, et au début du 20e siècle. Hein. On est en train de revenir là-dessus, bien entendu. Vaux, etc. Voilà, c'est ça. Alors, nous en étions aux preneurs de place. Vous nous dites, Alain Monferrand, que Vauban est le seul en Europe, sous Louis XIV, capable de prendre n'importe quelle place forte en 3 semaines grâce à une méthodologie absolument inouïe. Et vous nous dites, en perdant 4 fois moins d'hommes. Comment s'y prend-il? Avec une méthode qu'il va rôder à mesure qu'il prendra de l'expérience. En fait, pour Vauban, il y a une date. 1657, siège de Montmédy. Tout début de sa carrière. Il est encore le diacre de Clerville, c'est-à-dire qu'il fait ses classes. Mmh. Ils sont 5 ingénieurs. Au bout de 3 jours, il n'y en a plus qu'un de vivant. Lui, il sera d'ailleurs blessé 3 fois. Et c'est une boucherie. On attaque la place où il y a 500 défenseurs, avec 25 ou 30 000 hommes. On va mettre 3 mois pour la prendre. Et on va avoir plusieurs milliers de morts. C'est une catastrophe. On a bien failli ne pas connaître Monsieur de Vauban, si je puis dire. Parce que là, d'une certaine manière, il avait quand même une certaine chance personnelle. Oui, il a été blessé 8 fois. D'ailleurs, la marque qu'il a, qu'on voit sur tous ses portraits, c'est au siège de Douai, un coup de mousquet porté d'assez près. Donc Vauban, c'est plus jamais ça. Il essaye, pour épargner les hommes, de tout faire pour que l'approche, car il faut bien s'approcher de ces fortifications, se fasse avec un minimum de pertes. Pour ça, il va faire en sorte que les boyaux soient en zigzag, que les parallèles dont vous avez parlé tout à l'heure, en fait, on faisait des sorties contre l'assaillant. Mais quand on faisait une sortie avec à peine une cinquantaine de malheureux qui creusaient, ils étaient tués presque tout de suite. Si, à côté, par des parallèles qui relient ces boyaux, on a suffisamment de place pour y mettre trois bataillons, à la première sortie, les travailleurs de la sape seront protégés. On peut même y mettre des cavaliers, et ça, il va le généraliser. Mais là encore, Vauban est quelqu'un qui fait son miel de toutes les expériences. Les parallèles, par exemple, qu'il va expérimenter à Maastricht, là où d'ailleurs D'Artagnan meurt en chargeant. En fait, hein. Eh bien, un système qui relie et qui permet d'avoir à tout moment pour une sortie suffisamment d'hommes pour la repousser. Ces parallèles, en fait, c'est les Turcs qui l'inventent au siège de Candie, et le chevalier Paul vient lui en parler, car ça aussi c'est une caractéristique peu connue de Vauban. Et d'ailleurs, à la fin, il sera membre de l'Académie des sciences, il verra défiler toutes les inventions. Il fréquentera des salons où il aura des reconnaissances avec des ambassadeurs qui vont lui expliquer la situation. Donc quand il donne un conseil au roi, c'est totalement mesuré, il n'y a rien dans ses propositions qui ne soit d'abord calculé. Et dans ce cadre, moi j'ai connu un professeur à Dauphine lors du tricentenaire qui me disait, mais c'est l'ancêtre du management. Il va normaliser jusqu'aux outils. Et puis, on va surtout concentrer les feux progressivement. Alors au départ, on investit la ville, on fait un campement à la limite de portée des mortiers, 2400 mètres, on l'installe entre deux remparts pour qu'il n'y ait pas une armée de secours qui vienne bouleverser. Et puis, ça ressemble beaucoup, mesdames, à la carte du temps. On fait des travaux d'approche et ça se termine par la prise de la ville où l'on fait retentir la chamade, ce roulement de tambour qui signifie qu'on se rend avant que l'assaut soit porté, car dans l'assaut, évidemment, on ne peut pas retenir la soldatesque. Il s'ensuit de fâcheuses conséquences comme pour les habitants de la ville assiégée. Comme tout ça est poétique et comme tout ça est humain, hein. C'est très important, cette dimension très humaine de Vauban. Toute sa vie, hein. Vauban mettra l'humain en avant. Y compris d'ailleurs sur, on en parlera peut-être, mais le fait d'avoir travaillé au Canal du Midi à partir de 1686, il voit les dragons. Il revient, mais ouais, ulcéré. Persécutions contre les protestants. Persécutions contre les protestants qui sont nombreux. Il écrit tout de suite à Louvain, disant « Vous ne pouvez pas tolérer ça, ça n'est pas possible. » Et bon, on en parlera peut-être après, non, mais c'est un point. C'est quand même un mémoire extraordinaire. Il sait très bien qu'il ne peut pas dire à Louis XIV « Vous vous trompez ». On ne dit pas ça au roi qui est loin de Dieu, qui est sacré à Reims. Donc il va lui dire « Mais attendez, vous allez perdre 100 000 artisans qui vont passer ça, à l'étranger. » C'est Frédéric qui nous écrit de Suisse et qui cite ce mémoire. Voilà. De Vauban. Vous allez perdre 80 000 ou 100 000 personnes de toutes conditions, occasionnant la ruine du commerce et des manufactures et renforçant d'autant les puissances ennemies de la France. Absolument. Ça, c'est pour essayer d'ouvrir les yeux de Louis XIV. Hein. Et d'ailleurs, dans les grands généraux qu'on trouvera en Prusse plus tard ou en Suisse ou ailleurs, il y a des noms français. Hein, jusqu'aux temps les plus récents. Ce sont des Huguenots qui ont été là-bas et qui n'ont eu de cesse que de se venger, en quelque sorte. Alors ce natif du Morvan, de Saint-Léger, à les pieds dans la glaise, si je puis dire, c'est un homme de la terre et du terroir. Ça va expliquer en grande partie cette politique de précaré qu'il voulait instituer et qui met très en avant la notion de territoire. Bon, ça je pense qu'on le sait, on l'a définitivement identifié à l'image de Vauban. Ce qu'on sait moins, c'est que ce terrien-là était très intéressé par toutes les questions de culture et d'agriculture, de taxation, de finances, etc. C'est le premier économiste. C'est certainement, enfin le premier économiste, il y en a d'autres à l'époque, mais c'est en tout cas quelqu'un qui a peut-être inventé l'aménagement du territoire. D'ailleurs, dans une de ses lettres, il écrira « Je voudrais qu'il y ait auprès de chaque intendant, les intendants c'est les préfets de l'époque, un ingénieur qui s'occuperait aussi bien de l'agriculture que des constructions, etc. » Il faut bien voir que Vauban a le souci tout le temps du malheur humain. Et si à la fin, il est si important pour Louis XIV, Colbert est mort, Louvois est mort, Vauban dialogue directement avec le roi, qui pourrait ne pas supporter ses remarques. Mais comme il ne peut pas s'en passer, il l'écoute, et comme il sait qu'il lui est totalement fidèle, il l'écoute également. Que, je vous trouve un peu sévère envers Louis XIV. Moi, je défends toujours Louis XIV à ce micro, vous savez. Vous dites, Louis XIV ne veut pas se passer de lui, c'est pour ça qu'il l'écoute. Est-ce qu'il ne l'écoute pas aussi, tout simplement, parce qu'il a repéré un homme de très bon sens et de très bon conseil? Il lui écrit même, je ne ferai pas toujours ce que vous m'écrivez, mais je vous en supplie, continuez de le faire. C'est tout à fait important. Il y a quand même un petit peu d'égoïsme, puisqu'on joue là-dessus. S'il avait tant voulu, il l'aurait fait maréchal bien avant. Et pourquoi ne le faisait-il pas maréchal? Parce que dès qu'il devenait maréchal, et vous en avez parlé tout à l'heure, il ne pouvait plus, il fallait qu'il commande une armée, il ne pouvait plus mener descendre de siège. Terrain, or, des maréchaux, Louis XIV en avait que faire. Alors que de très bons quelqu'un capable de le faire. Et tout à l'heure, on parlait de Van Coorn, siège de Namur. Bon, c'est pris en quelques 3 semaines. Il y a 9000 Hollandais qui sont morts dans cette affaire et seulement quelques milliers de Français. Et c'est pourtant, il attaque depuis le bas vers le haut. Donc, vous voyez, c'était réellement quelque chose d'important. Comment expliquer cette disgrâce qui va entacher la fin de ses jours? C'est cette affaire d'impôt, de dîme royale? Oui, non, cette affaire d'impôt, évidemment, de dîme royale, elle gêne énormément. D'ailleurs, il ne faut pas dire que c'est une invention qui sort de son chapeau. Vauban va l'expérimenter en Normandie. Il y a les travaux de Bois-Guilbert. Avant, le roi avait même autorisé l'expérimentation. Il est parfaitement au courant, le roi se fait lire la dîme royale. C'est un peu la légende faite par le 19e siècle qui, dans la galerie de l'Ancien Régime, cherchait désespérément quelqu'un de sympa. On a mis Vauban en avant en disant qu'il avait été disgracié par le roi. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Le roi savait ce qu'il lui devait, lui a gardé son affection, réellement son affection, jusqu'au bout. Et je dirais, les gens disent, la dîme royale a été mise au pilon, il en est mort de chagrin. Non, il en est mort d'un coup de sang. Il était furieux car on ne l'a pas attaqué comme ça. On a simplement dit, ah, elle n'a pas payé de l'octroi. Enfin, on est, Pontchartrain a essayé de finasser pour faire que ça ne se dise. Et pourquoi il fallait pas que ça se dissuie? Parce qu'à l'époque, le système de perception des impôts, c'était la ferme générale. C'est-à-dire qu'on prenait 100 et on restituait 50 au roi. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient des particuliers qui achetaient la charge de voilà. Percepteurs et qui gardaient une partie des impôts. Absolument. Pour eux, en fait. Hein. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que Vauban a quand même fait 3500 km par an en 54 ans. D'exercice, certaines années 8000, donc il voyait la France alors que le roi ne sortait plus de Versailles. Bien sûr. C'était il ça était aussi un peu son l'œil, apport. L'œil de Moscou, de exactement. Versailles en l'occurrence. Oui. Là, vous n'êtes pas gentil. 14. Merci beaucoup Alain Monferrand, vous parlez très bien de ce Vauban dont vous présidez l'association, bien entendu. Continuez à faire rayonner cet extraordinaire patrimoine, non seulement patrimoine matériel à travers les fortifications fabuleuses, mais aussi patrimoine immatériel, je pense qu'on l'aura bien compris. Dans un instant sur Europe 1, Franck Ferrand répond à la question d'Agnès qui voudrait connaître l'origine et les règles de transmission des titres de noblesse. Au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez Franck Ferrand aujourd'hui à la question d'Agnès. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle aimerait connaître l'origine et la transmission des titres de noblesse. Voilà, alors je pense qu'il y a une question dans la question en quelque sorte. Bon, la noblesse, on sait bien qu'il existait des titres de noblesse dans l'Antiquité, dans l'Empire romain par exemple. Au 9e siècle, Charlemagne, on en parlait l'autre jour, réunit, domine cette espèce d'extraordinaire empire. Et à sa mort, vous savez qu'on va diviser, son empire entre ses petits-fils, etc. Donc ça va être la naissance des grands duchés, duché de Bourgogne, duché d'Aquitaine, etc., des comtés, etc. Et puis, à partir du moment où la monarchie capétienne se met en place, à partir du Capet aux alentours de l'an 1000, eh bien, le roi devient le suzerain de tous ses seigneurs, et petit à petit, les titres de noblesse vont se détacher de la charge à laquelle ils correspondaient. Ça devient des titres qui ont des conséquences, bien entendu, en termes de territoire, de privilèges, etc., mais qui sont détachés de l'exercice d'un pouvoir. Ce système, il est définitivement liquidé, évidemment, avec la nuit du 4 août 1789. Les titres de l'Ancien Régime, à ce moment-là, sont perdus, si je puis dire. Mais il ne faut pas oublier qu'après la Révolution, il y a eu un empire qui a créé sa propre noblesse. Et puis une restauration où l'on a réinstauré tous les titres de noblesse. Après la Monarchie de Juillet, Second Empire, où la noblesse d'Empire reprend de l'importance. Bref, tout ça est compliqué. La République met, à partir de 1870, un terme définitif à tout ça. Mais ce qu'on oublie de préciser aujourd'hui, c'est que la République, à l'heure où je vous parle, continue à reconnaître et à protéger les titres de noblesse qui n'ont plus de valeur, évidemment, qui n'entraînent plus de privilèges, mais qui sont protégés et qui peuvent figurer à l'état civil dans les documents administratifs, etc. Alors, ce que nous demande Agnès, me semble-t-il, c'est la question de la déclinaison des titres. Ça, c'est très complexe et j'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est pas beaucoup. Mais il faut bien comprendre que vous avez les aînés des familles, de ces grandes familles nobilières, qui possèdent le titre. Par exemple, on dit le comte de, je sais pas, on va dire, mettons, le comte de Rohan, par exemple. Bon, et pour sa femme, la comtesse de Rohan. Et puis, vous avez les autres membres de la famille qui peuvent devenir comte Patrick II. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en donnant le titre, en donnant le prénom, pardon, on élargit le titre, en quelque sorte. Et dans les familles ducales, parce que vous connaissez la hiérarchie des titres, hein, duc, marquis, comte, vicomte, baron, chevalier n'est pas tout à fait un titre, c'est une simple distinction. Dans ces familles-là, vous avez le chef de famille qui est Bertrand, duc de Luynes. Vous avez le fils aîné qui va être Charles, marquis de Luynes. Et puis vous avez pour les cadets le comte Pierre de Luynes. Vous voyez, et à mesure qu'évidemment les générations avancent, le fils aîné va prendre le titre de la famille, etc. Donc il y a une sorte de déclinaison comme ça qui se met en place, qui est extrêmement subtile. Et donc pour savoir à qui vous avez affaire, si je puis dire, il faut regarder où se trouve placé le prénom par rapport au titre et à la particule.